إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فما زلنا في قراءة شرح حديث جبريل للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى محدث المدينة النبوية. وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الطائفة التي أخرجت الأعمال من الإيمان وهي المرجئة، وتنقسم إلى قسمين: المرجئة الغلاة الذين يقولون إن كل مؤمن كامل الإيمان وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ومرجئة الفقهاء الذين قالوا أيضا بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان مع مخالفتهم للمرجئة الغلاة أن المعاصي تضر فاعلها. كما أننا تكلمنا عن الإيمان وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. Donc nous continuons, inshallah ta'ala, le cours sur l'explication du hadith de Jibril. Sur l'explication du hadith de Jibril alayhi salam, explication faite par le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafizahullah ta'ala. Nous continuons donc l'explication du hadith de Jibril, explication faite par Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Quant à la semaine dernière, on avait parlé de la secte qui ne croyait pas ou qui considérait que les actes ne font pas partie de la foi. Quelle est cette secte? Comment se nomme-t-elle? Al-Murji'ah, Ahsant. Et on avait dit que Al-Murji'ah était une secte égarée, et son égarement est de dire que les actes pieux ne font pas partie de la foi. Et on avait dit que Al-Murji'ah se divisait en deux. Qui peut me citer les deux factions de Al-Murji'ah? Murji'ah fanatique. En arabe, j'ai oublié le... Al-Murji'ah al-Ghula, les fanatiques. Donc eux, ils disent en fait que leur foi elle est toujours parfaite. Non. Et que quoi qu'il en soit, un croyant est un croyant, il ira au paradis. Ahsan. Donc Al-Murji'ah al-Ghula, les fanatiques, disent que tout croyant a une foi parfaite, a une foi complète. Et que les péchés qu'il est susceptible de faire ou qu'il fait n'ont aucune influence sur sa foi. Et la seconde faction, la seconde partie de l'Murji'ah, Murji'ah tufuqa, la différence c'est que eux, quand ils font des péchés, ils disent qu'ils seront châtiés pour cela. Et Murji'ah tufuqa, eux disent également que les actes ne font pas partie de la foi, et leur différence avec les fanatiques, le Murji'ah fanatique, c'est que ils considèrent eux que les péchés la personne aura des comptes à rendre sur les péchés qu'il a fait, et que les péchés porteront préjudice à la personne qui les fait. De même qu'on avait parlé de la foi, qu'elle augmente et qu'elle diminue, elle augmente avec en faisant de bonnes actions et elle diminue en faisant des péchés. On avait ici également cité la preuve dans le Coran, la preuve que la foi augmente. On avait cité la parole où Allah subhanahu wa ta'ala dit: les croyants sont ceux qui, lorsque ces versets, que lorsque idha dhukir Allah, que lorsqu'on leur rappelle Allah, leur cœur frémisse, et lorsque ces versets, c'est-à-dire les versets d'Allah, leur sont lus, cela augmente leur foi et ils ont confiance en leur Seigneur. Donc il y a dans ce verset une preuve que la foi augmente. On avait aussi cité des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt le cheikh a cité des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouvent que la foi diminue. On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui voit un mal le change par sa main, s'il ne peut pas par sa langue, s'il ne peut pas par son cœur, et ceci est le plus bas de la foi. De même qu'on avait aussi cité le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant des femmes, dit qu'elles ont un manque de raison, un manque dans la raison et dans la religion, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et on avait cité également que dans la religion, le hadith ici il englobe à la foi et l'islam, l'iman ou l'islam. Car il y a la règle qui dit que lorsque ils sont cités séparément, ils veulent dire la même chose, et lorsqu'ils sont cités côte à côte, chacun a un sens différent. Lorsque l'islam et la foi sont cités séparément, ils veulent dire les deux à la fois. Et lorsqu'ils sont cités côte à côte, lorsqu'on dit l'islam et la foi, l'islam signifie les choses extérieures et la foi signifie les choses intérieures. Donc lorsqu'ils se séparent, ils se rejoignent dans le sens, et lorsqu'ils se rejoignent, ils se séparent dans le sens. Et on avait cité les fatawas de Cheikh Ibn Baz, ou plutôt la parole de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, en expliquant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il parle des femmes et dit qu'elles ont un manque dans la raison et dans la religion. Et beaucoup de personnes m'ont demandé l'enregistrement du cours, notamment pour réécouter la parole de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Mais malheureusement, la semaine dernière, l'enregistrement n'a pas pu être fait. Qaddarallah wa ma sha'a fa'al. Il y a eu des soucis au niveau de l'enregistrement. Donc j'ai décidé de relire au moins les fatwas de Cheikh Ibn Baz. Ceux qui étaient là la semaine dernière, ce sera un rappel pour eux. Et ceux qui n'étaient pas là, ils en profiteront, Inch'Allah. Donc, et je rajouterai aussi une parole de Cheikh Al-Fawzan. Donc j'en ai profité pour ajouter un peu plus, pour que ce sujet soit traité avec précision et afin que chacun soit satisfait. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل بالسؤال التالي: دائما نسمع الحديث الشريف النساء ناقصات عقل ودين، ويأتي به بعض الرجال للإساءة للمرأة، نرجو من فضيلتكم توضيح معنى هذا الحديث. Donc la question qui a été posée à Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, qui est: nous entendons souvent le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les femmes ont un manque dans la religion et dans la raison, et certains hommes utilisent ce hadith pour porter préjudice à la femme. Nous vous demandons de bien vouloir nous expliquer le sens de ce hadith. الجواب: معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فقيل يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ قالت: أليست شهادة المرأتين بشهادة الرجل؟